Cette semaine, One Dead Incorporated Show réanimation, j'ai décidé de me rajeunir de quelques décennies. Ce qui ne fait pas grande différence pour quelqu'un qui a 666 ans et qui aura toujours 666 ans, mais c'est déjà ça en soustraction. Oui, un retour en arrière puisque je consacrerai cette édition uniquement au métal des années 80. Si pour ma part il s'agit d'un retour en arrière pour retrouver ce que je décrirais comme les premières et plus belles années du métal proprement dites, pour certains d'entre vous, il s'agira d'un voyage dans une dimension digne de la science-fiction, puisque vous n'étiez même pas encore de ce monde. C'est donc le moment de prendre un cours d'histoire et d'espérer que cela fera de vous des gens moins incultes, ce qui ne veut pas dire pour autant plus intelligents. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout s'il s'improvise professeur d'histoire et tentera de vous faire croire que l'Amérique a été découverte par Jerry Seinfeld il y a 522 ans. D'ailleurs, Jerry doit probablement avoir un chirurgien esthétique particulièrement performant. Et je vous affirme que ce n'est pas moi, parce qu'il aurait vraiment l'air d'avoir 522 ans. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré d'inculte. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause Pendragon said so. Qu'est-ce que tu dis, Gustave? T'as raison. Go! Desperation, desolation, illusion. I'm lundi au jeudi, Assemblage Requis vous sert un petit déjeuner complet. Au menu, des chroniques nutritives faites maison, des segments fraîchement préparés par nos chefs chroniqueurs et de la musique savoureuse. Deux pelletés de contenu pour commencer la journée la tête bien remplie. Est-ce qu'on peut faire moins d'analogies de déjeuner? Je te promets rien. Assemblage Requis avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Ici Eve Landry, porte-parole de la 20e édition du festival Vue sur la relève. T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène? Tu as jusqu'au 26 octobre pour le soumettre à vuesurlarelève.com. Vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion au premier spectacle d'Alex Nevsky, Vincent Vallière, Fabien Cloutier, Claude Pelgag, Fred Pellerin, Carquois, Virginie Brunel, Mes Aïeux, Mélanie Demers, Evelyne de la Chenelière, Emmanuel Jout, Simon Boulris et tant d'autres. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québécois, le 20e festival Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus nos pointes à 2,30 $ de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 $ plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Fou de nouveautés. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation ce 9 septembre de l'an de disgrâce 2014. Je suis Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. Et oui, un spécial 1980, mais je dois me confesser de quelque chose, c'est que principalement, c'est axé dans la deuxième moitié de ces années 80. Pourquoi pas avant? Parce que je trouvais ça complètement pourri. Non, c'est faux. Il y avait de très bons trucs, mais parce que je filais plus dans un mood post-85, pour ainsi dire. Mais il y a quelques intrus quand même. Juste avant cette pause publicitaire, nous avons entendu cette excellente combinaison de deux pièces de Slayer, soit Postmortem et Raining Blood, qui est tirée de ce prodigieux l'album metal Raining Blood qui paraît en 1986, album encore considéré par de nombreux amateurs et critiques du milieu metal comme étant l'un des meilleurs albums, sinon le meilleur album metal jusqu'à présent. C'était apparu à l'époque sur Def Jam Records. Juste auparavant, nous avions quelque chose qu'il y avait fort longtemps que je n'avais pas diffusé à l'émission sur Sepultura et spécifiquement la pièce Lobotomy. Chose que je pratique régulièrement sur moi-même, bien entendu, parce que je n'ai plus de cobaye. C'est tiré de Beneath the Remains, qui est paru en 1989 sur Road Racer. Et chose importante à dire au niveau de Sepultura, je suis complètement, mais complètement déconnecté de ce qu'ils font, parce que c'est plus vraiment le même band, c'est vraiment autre chose, et honnêtement, je trouve que ça l'a très mal évolué. Testament et la pièce Greenhouse Effect, qui est tiré de l'album Practice What You Preach, qui est paru en 89. C'est une époque de Testament qui, selon moi, a de bonnes choses, mais qui, aujourd'hui, sonne un petit peu molle. Les derniers albums que Testament ont fait sont beaucoup plus, solides. Quoique, Testament n'a jamais été vraiment réputé pour être une formation thrash metal très... très puissante dans le terme propre du mot puissance, parce qu'il y a toujours une certaine mollesse en arrière de cette formation. Par contre, il le comble avec souvent de bonnes mélodies, chose que généralement dans le métal j'apprécie un peu moins, mais avec Testament et certains autres bands, je trouve que c'est fort correct. On a ouvert avec Sacrifice et la pièce Afterlife, qui est tirée de, selon moi, encore aujourd'hui le meilleur album qu'ils ont fait. Ils n'ont pas une discographie à tout casser, évidemment. Testament Sacrifice, formation canadienne, Et je parle ici de l'album Forward Determination que je me fais plaisir à passer assez régulièrement à l'émission, qui est paru en 1987 sur Diabolic Force. Écoutez, j'ai fait simplement une espèce de trilogie, si on veut, pour l'émission actuelle de ce soir, plus les deux autres. La semaine prochaine, ça va être un spécial années 90. Et la semaine subséquente, eh bien, ça sera les années 2000. Et si ça me tente comme ça, ben, je vais me rendre jusqu'en 2035. Donc, il y aura beaucoup de choses que je vais devoir inventer. Non, c'est une blague 2035. Je peux pas aller jusque-là. Probablement, je vais arrêter en 2018. C'est encore n'importe quoi. La semaine prochaine, c'est un spécial 1990. Pas uniquement 90, mais les années 90, devrais-je dire. Et dans deux semaines, c'est un spécial des années 2000. Côté musique, chose qui pourrait être fort intéressante. Mais en fait, la semaine prochaine, je dois vous dire que oui, un spécial 1990, mais je vous présenterai le nouvel album de Cannibal Corpse qui sort la même journée que l'émission, soit le 16. Donc, j'ai bien hâte d'entendre cet album parce que je suis un fan de Cannibal Corpse, spécifiquement de l'époque de George Fisher, bien entendu, parce que auparavant avec Chris Barnes, je trouvais que c'était un petit peu trop queeneur par moment. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font depuis ma foi, je dirais une bonne dizaine d'albums facilement. Donc ça va probablement faire partie de la programmation de la semaine prochaine. À venir aussi nouveau Decapitated qui est le 26 septembre. Ça aussi j'ai fort hâte de l'entendre. Le 10 octobre, un nouvel album pour Exodus. Ça aussi ça devrait être intéressant. En fait, je pense que les opinions vont être partagées puisque c'est à voir qu'est-ce que on va recevoir avec le retour de Steve Souza. Moi, je l'aime bien personnellement. J'aime bien son vocal, mais je pense que je suis un des seuls à aimer dans les gens que je connais et qui aiment le métal. Je suis un des rares à l'aimer pour le moins. Album que j'ai trouvé, ma foi, correct, et je me rends compte que sur le site de Réanimation, qui en passant à réanimationad.com, j'ai oublié de lui donner une cote, mais je vais corriger le tir probablement ce soir, là. C'est le nouvel album de la formation suédoise The Haunted, qui donne dans un trash metal. The Haunted, c'est une formation qui existe quand même depuis, je dirais, il faudrait que j'ai vérifié officiellement, là, mais je dirais une bonne douvache, peut-être même une bonne quinzaine d'années. C'est un peu redondant par moment. Par contre, je dois dire que cet album, Exit Wounds, ben, c'est fort correct. C'est très énergique. C'est un thrash metal qui est tout à fait correct aussi. Le vocal est bien. Je trouve que pour un thrash metal, je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit à de nombreuses reprises, le thrash metal, c'est une scène qui est oversaturée. Il y a beaucoup trop de bandes, il y a beaucoup trop d'enregistrements qui se font avec ce style qui est devenu, par moments, quelque peu risible. Mais je pense que The Haunted fait partie des, entre guillemets, vieilles formations, ce qui est un peu péjoratif, du trash qui donne des choses assez égales au niveau de la qualité, puis c'est pas mal dans les bonnes qualités de trash. Donc Exit Wounds, j'ai pas inscrit la carte sur le site, c'est une erreur de ma part quand je le disais, mais par contre je peux vous dire que je lui donne facilement un 7.5 sur 10. Donc c'est à essayer. Chose à venir que j'ai bien hâte aussi, ce nouvel album de la formation Stoner Metal, soit Orange Goblin, formation britannique, qui sortira Back from the Abyss le 7 octobre prochain sur l'étiquette Candlelight. Aussi pour les amateurs de trash à tendance death metal, la formation américaine Revocation et l'album Deathless qui lui sera disponible sous l'étiquette Metal Blade à compter du 14 octobre prochain. Nouvel album pour Abyss Meltdown, formation une formation américaine bien entendu qui en sera à son quatrième album complet studio, soit Obsolescence, qui lui sera disponible à compter du 24 octobre prochain. Une formation que j'aime bien dans le death, c'est pas excessivement original, mais je trouve que c'est efficace. Donc côté musical, ben j'ai fait le tour pour cette semaine. Je trouve ça relativement tranquille, mais quand même, il y a des choses à venir qui sont intéressantes et d'autres qui sont sorties qui sont quand même assez bien. J'aurai une chronique cinéma pour vous qui est relativement bien meublée cette semaine. C'est un peu plus tard dans l'émission. Mais tout de suite, je vais vous l'entretenir de la Loge Clown. La Loge Clown qui porte le nom scientifique de Chromobotia macracante. C'est un poisson que j'aime. Ben non, c'est une blague, là. Je vous en train de dire pas d'aquariophilie, même si je le suis. Je suis en train de lire là-dessus, là. C'est une blague, je vous parlerai pas de poisson. Je vais vous parler de métal, effectivement, parce que c'est le deuxième bloc que je vous présente dans quelques minutes, dans quelques secondes, pour ainsi dire, qui comporte cinq formations, qui sont ceux-ci. Anthrax, Stormtrooper of Death, Creator, Metallica et Exodus. Une pièce de chacune, bien entendu. Donc, j'aimerais que vous découvriez quel est le lien qui les unit tous. Donc, je répète, Anthrax, Stormtrooper of Death, Creator, Metallica et Exodus. Le lien qui les unit tous. On va débuter tout de suite, évidemment, avec Anthrax, avec la pièce Death from Above. palmarès. Sur le campus, c'est le 89.1. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus nos pointes à 2,30 $ de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 $ plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Fou de musique, fou de chronique, fou de passion. Prends enfin le micro pour te faire entendre. Votre radio C'est fou est toujours à la recherche d'animateurs passionnés ou de chroniqueurs intéressés, intéressants. Donne-toi la chance de vivre une expérience radiophonique enrichissante et joins-toi à l'équipe de C'est fou. Pour plus d'informations, prog C'est fou à commercial.uqta.ca ou visite le c'estfou.ca. Tu aimes faire rire? Jouer des personnages? Ou même lire du théâtre? L'improvisation est l'activité étudiante qu'il te faut. Viens tenter ta chance au camp de recrutement de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Lundi le 15 et mardi le 16 septembre à 19h à la salle Rodolphe Mathieu. Pour plus d'informations, consultez uqta.ca/impro. Fou Denis Rock. 89.1. h 3, vous êtes toujours à l'écoute du Undead Incorporated Show Réanimation avec moi-même, votre humble serviteur et fort agréable personnage, Dr. Pendragon. Voilà, deuxième bloc de cette émission spéciale 1980 qui était constituée de ce qui suit à l'instant avant cette pause publicitaire Exodus. Vous avez tous reconnu Exodus et ce n'est pas le cas, eh bien je ramène ce que je disais lors d'introduction, vous êtes des incultes. Exodus est la pièce Metal Command que l'on retrouve sur la première parution de cette formation américaine, soit Bonded by Blood, qui est parue en 1985 sur Tarot Records. Et le regretté Paul Baloff, bien entendu. Juste auparavant, Metallica et la pièce Creeping Death, qui est tirée de Ride the Lightning, qui est parue en 84 sur Megaforce. C'est un des bons albums de Metallica, je le répète et je le dis parce que il faut avouer ce qu'on aime dans la vie. Et cet album, je le trouve fort correct. Creator, les risibles Creator pour cette époque, le premier album. C'est drôle, mais je trouve ça quand même bon. Premier album pour Creator qui est paru en 85, soit Endless Pain. Effectivement, 85, Endless Pain. La pièce étant Son of Evil. À l'époque où ils étaient un trio constitué de Mili Petrosa, bien entendu, qui est un des membres fondateurs bien, et qui est toujours là, qui à l'époque assurait bien entendu les guitares, mais n'assurait pas l'entier du vocal, puisque sur cet album, il s'est contenté de faire les pièces numéro 2, 4, 6, 8 et 10. Alors que Ventor, qui est toujours le batteur de la formation, faisait les lead vocaux, ou le vocal principal en bon français, des pièces 1, 3, 5, 7 et 9, dont la pièce 5 qu'on a écoutée, qui est Son of Evil, et ils étaient aussi accompagnés de Roberto Fiorenti, qui était le bassiste. J'ai dit risible. Pourquoi? Parce que si vous portez attention à cet album, en fait, il n'y a pas besoin de porter vraiment attention à l'album en l'écoutant. C'est assez gros comme c'est flagrant même, comme je dirais peu de professionnalisme. Les gars sont pas tight du tout. Ce que je veux dire par bon, j'essaie de pas employer trop d'anglicisme, mais c'est très difficile. Les gars ne sont pas tête, voilà. Donc, ils sont toujours à contre-temps. Surtout quand on écoute la batterie de Ventor, là, ça peut devenir assez rigolo. Et bien, dans cette pièce-là, Mili Petrosa, dans son vocal, anticipe ou est un peu en retard par moment. Ça fait Ça fait très drôle à entendre, mais en même temps, il y a un certain charme qui s'en dégage parce que pour moi, les deux premiers Creators restent encore les meilleurs. Plusieurs puristes ou amateurs très fans de Creator diront non, Docteur, tu connais rien. C'est fort possible que je ne connaisse rien, mais en même temps, je connais peut-être plus de choses que vous parce que eux, je les ai découverts quand ils sont sortis. J'ai pas découvert ce band-là 10 ans, 20 ans plus tard. C'est le band qui m'a, je dirais d'une certaine façon, m'a amené à découvrir, bien sûr avec Slayer, à découvrir une forme de musique beaucoup plus rapide, beaucoup plus, par moments, chaotique. Et je me rappellerai toujours de ce que j'avais pu lire, qui était, je me rappelle plus, c'était un commentaire dans un fanzine de l'époque de Milly Petrosa qui disait « On remercie chaleureusement Destruction pour nous avoir permis de nous rendre compte que nous non plus n'étions pas timés. » Donc, c'était Creator. Stormtrooper of Death auparavant et la pièce Kill Yourself qu'on retrouve sur le seul vrai et unique excellent album de formation Speak English or Die qui paraît en 85 également sur Megaforce. Et on a ouvert avec Anthrax et la pièce Death from Above qu'on retrouve sur Fistful of Metal qui est également la première parution de cette formation. De Trash Metal, bien sûr, qui est paru en 1984 sur Megaforce. Et je vous ai demandé, en ouverture de bloc, de trouver quel était le point commun qui les unissait, soit Anthrax, Stormtrooper of Death, Creator, Metallica, Exodus. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont trouvé, je demandais pas vraiment que vous m'appeliez pour me le dire, mais si vous avez cherché un point commun, vous avez perdu votre temps parce qu'il y en a pas. Ben oui, en fait, il y en a un. Si on prend Anthrax et Stormtrooper of Death, évidemment, parce que SOD, c'est une grosse partie d'Anthrax avec Billy Milano. Et pour le reste, là, il n'y en a pas de. Vous savez, chercher pour rien. C'était bien drôle, n'est-ce pas? Côté concert, vous pourrez voir présentation de BCI c'était la semaine dernière, ça, le 5 septembre. Ben oui, c'est passé. Donc, le 25 septembre, qui est un jeudi au Club Soda, Belphegor, qui fera partie de la tournée Voices from the Dark, qui sera accompagné de Rotting Christ, Beheaded et Svart Crown. C'est à 19h au Club Soda. Les billets sont disponibles à la billetterie du Club Soda au prix de 21,74 et 26,9 plus taxes. C'est le retour de Deicide en compagnie de Septic Flesh, Inquisition, Abysmal Down, justement, pour un nouvel album, c'est tout à propos, et Karak Angren. Ils seront le vendredi 10 octobre prochain à 19h au Théâtre Corona. Les billets sont disponibles à billetterie du Théâtre Corona au coût de 25$ et 30$, taxes incluses. Elvite en compagnie de Tyr et Metzatol seront au Théâtre Corona également le samedi 18 octobre prochain à 20h au coût de 20$ et 30$, taxes incluses. Et là aussi, c'est disponible à billetterie du Théâtre Corona. Arch Enemy en compagnie de Creator, tiens, voilà. Mais ils sont de loin supérieurs. Creator sont de loin supérieurs techniquement à ce qu'ils étaient, bien entendu. Donc, Arch Enemy, Creator, Huntress et Starkill seront le lundi 27 octobre prochain, 19h au Metropolis, via Ticketmaster au coût de 30,43 et 34,78 plus taxes. Il y a des billets VIP qui sont en vente sur le site sur le site directement de BCI. Le Carnival of Death 2014 présentera Cataclysm, Suffocation, Jungle Rot, Pyrexia, Internal Bleeding, lundi le 3 novembre prochain à 18h, c'est au Foufounes Électriques. Et il en coûtera 22$ et 27$, taxes incluses, pour y assister. Voilà. Je pourrais peut-être faire la chronique cinéma tout de suite, parce qu'après ça, pas nécessairement le prochain bloc, mais après ça, le dernier bloc est un sanglant pour un bloc un peu plus long, donc pour ne pas perdre la chance de vous parler de certaines choses intéressantes et moins drôles, devrais-je dire, je vais le faire immédiatement. Vous savez, sur le site de réanimation, dès le départ, je me faisais un devoir de chroniquer quasiment uniquement des films d'horreur, des films de science-fiction, voire fantastiques. J'ai ouvert un peu mon champ d'activité, non pas en tant que spectateur visionneur de films, mais au niveau des chroniques, parce que je me rends compte qu'il sort énormément de films. Il en sort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il sort aussi souvent beaucoup d'albums, mais je dois dire que où il sort pas mal plus rarement qu'avant des choses qui sont assez intéressantes, voire bonnes. Donc, je me suis permis d'élargir le volet de chronique pour aller dans d'autres styles. Et entre autres, la première chronique là, de laquelle je vais vous parler, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie qui porte le titre de Neighbors. Les voisins, si vous préférez. Mais non, faut pas faire référence à la pièce de théâtre québécoise là, qui était une comédie qui mettait en vedette, entre autres, Réal Giguère, oui, c'est ça. Réal Giguère et son neveu ou cousin Roger, je sais pas trop. Ben non, pas du tout. C'est pas vrai, c'est Réal Giguère jouait pas là-dedans. Là. Les voisins, c'est avec... Comment il s'appelle déjà, lui, là? Un comédien humoriste là, qui jouait dans La Petite Vie, là, qui faisait Régent, là, j'oublie son nom. Là. Peu importe, c'est pas grave. C'est un film qui met en vedette Seth Rogen, Rose Byrne et Zac Efron. Neighbors raconte l'histoire d'une famille, une petite famille constituée de deux parents et d'un très jeune enfant qui vient de venir au monde, qui s'appelle Stella, qui viennent d'emménager dans une maison, dans un quartier paisible. Ils sont un jeune couple dans la trentaine. Ils décident, après avoir eux-mêmes, avoir une jeunesse tardive un peu fêtard, de se ranger maintenant à la carrière, ainsi de suite, la famille. Et la maison d'à côté est à vendre et est acquise par une confrérie universitaire qui sont les Delta Psi, si je ne m'abuse. Et pour Mac et son épouse Kelly, ça leur donne un peu la pétage parce qu'ils se disent hein, c'est une confrérie, ça va être le party all day, all night, ça va être la musique forte, ça va être le va-et-vient constant. Donc, ils décident d'aller les rencontrer lors du déménagement et puis se présenter pour se les mettre à la bonne. Et c'est ce qu'ils font, et puis les choses semblent bien aller, mais effectivement, les jeunes de la confrérie Delta Psi décide de faire la party le soir même et il réveille bien entendu les jeunes voisins qui se lèvent durant la nuit pour aller leur demander de baisser le ton. Et ceux-ci disent écoute, tant que vous êtes rendus, là, venez donc faire un tour. Non, on travaille demain, on se lève tôt. Hein. Venez faire un tour 5 minutes, vous allez voir de quoi a l'air la maison, de quoi a l'air la confrérie. Ils acceptent et ils partent sur une méchante dérape jusqu'au lendemain matin. Assez tardif parce qu'il fait très clair à l'extérieur. Et bref, ils sont devenus un peu copains, mais ça dégénère assez rapidement parce que ils se rendent compte qu'ils peuvent pas vivre la même vie que ces jeunes-là qui sont complètement cinglés, qui ont un train de vie qui est absolument pas universitaire, mais bien juste fêtard. Il y a énormément de bons gags dans le film Neighbors, des gags parfois qui sont même, je dirais, très surprenants. Le personnage de Mac, interprété par Seth Rogen, est vraiment très bien aussi. Je dois dire que Rose Byrne, qui incarne son épouse Kelly, est quand même aussi un peu weird par moment. Donc, c'est un film, c'est pas la comédie de l'année, mais c'est une bonne comédie. Je lui donne un 7.5 sur 10, Neighbors ou Les Voisins. Je vous incite à le voir, c'est fort intéressant. Film d'horreur que j'avais lu dans une revue spécialisée, une espèce de d'article sur ce film qui s'appelle Paranormal Diaries, Clop Hill, qui est un film d'horreur occulte, si on veut, qui avait eu une bonne chronique, un bon article dessus qui me faisait croire que lorsque je mettrais la main sur ce film, je devrais l'apprécier, qui tourne autour d'un fait réel, des faits qui sont réels, supposément, qui se serait passé en 1963 dans les ruines de l'église de Sainte Mary, je crois, Clop Hill, qui est dans le c'est en Angleterre, le district de, je me rappelle plus trop quoi, ben peu importe, c'est pas grave là. Et ce sont des ruines d'une église qui a été bâtie dans les années 1800. Et il y aurait eu des pratiques de messe noire et d'incantation du diable. Puis suite à ça, il y aurait même des présences de spectres dans ces ruines. Et c'est tourné comme un documentaire, caméra à l'épaule. J'ai certaines réticences là-dessus, mais bon, je suis quand même pas trop achalant, je dois dire. Là. Comme étant une équipe d'enquêteurs du paranormal qui décide de vouloir avoir des preuves tangibles, que ce soit autant sonores que vidéo, des présences d'occupation, si on veut, d'esprits menteur ou peut-être même d'esprit diabolique. Donc, ça se présente assez bien, je dois dire. C'est quand même... c'est un film qui a pas de prétention. Je trouve ça correct, je respecte ça. Mais voyez-vous, le film dure 1h28 minutes. 88 minutes, si vous préférez. Et ce n'est que à la 63e minute du film qu'il commence à se passer quelque chose réellement. À partir de ce moment-là, les dernières minutes du film... qui sont les 25, finalement, sont bien, sont fort corrects, là. Mais c'est un petit peu long. Surtout que c'est pas un scénario d'un film de fiction où on peut nous entraîner dans toutes sortes de choses. Qu'on se base sur un fait réel, on peut pas se permettre de traîner le spectateur pendant plus d'une heure à attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Puis certains pourraient me dire, oui, mais ce sont des faits réels, ils ont pas pu l'inventer. Oui, je suis d'accord, mais à ce moment-là, il aurait peut-être dû faire juste un film qui aurait duré peut-être juste 70 minutes ou 80 minutes ou même 60 minutes pour aller à l'essentiel puis nous donner vraiment ce qui était le meilleur du film. Ça m'a déçu un petit peu. Je l'ai pas bâché à outrance, le film. J'ai donné un 6.5 sur 10. Ça mérite pas plus, mais honnêtement, ça mérite pas moins. La fin est bonne. Le film est quand même correct, mais je pense que on aurait eu le droit d'avoir quelque chose de beaucoup plus stimulant, pour employer un terme peut-être approprié, là. Donc, The Paranormal Diaries, Club Hill, c'est correct, mais bof, pas plus. Autre chose, je crois que je vous avais parlé la semaine dernière de Edge of Tomorrow. Il me semble que oui, le dernier film de science-fiction avec Tom Cruise, je le comparais au Jour de la Marmotte. Il me semble que oui. Bah, moi, j'ai pas vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça... ordinaire, un peu comme Paranormal Diaries, sauf que Paranormal Diaries, au moins, il y a une espèce d'aspect d'ambiance qui est plus horreur. Ici, au niveau de science-fiction, j'ai trouvé ça très synthétique comme film au départ, et puis c'est très répétitif. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre film d'horreur qui porte le nom de 13 Sins, que je n'ai pas eu le temps encore de voir. C'est peut-être intéressant. Allons savoir, on saura la semaine prochaine. Je vous parlais que cette semaine, je devais vous chroniquer Mindscape. J'ai à peine débuté de l'écouter. J'ai manqué de temps énormément. Ça sera pour la semaine prochaine aussi. J'ai manqué de temps. Oui, j'ai manqué de temps, mais j'ai priorisé autre chose que j'aurais peut-être pas dû faire finalement. Et je parle du film The Rambler, qui est un film d'horreur qui devait avoir un soupçon de comédie, mais qui n'en a pas du tout. C'est un film de 2013, qui est un film de Calvin Reeder et qui met en vedette Dermot Mulroney. Dermot Mulroney, si vous vous rappelez, c'est un acteur de, je dirais, de série B, de second ordre. Mais dans les années 80, fin 80, il a joué dans un excellent western qui s'appelle Young Guns, qui mettait en vedette Emilio Estevez, son frère Charlie Sheen et Lou Diamond Phillips. Il jouait le rôle en français de Steve Lacrasse. Il avait fait un rôle fort, fort correct. J'ai pas vraiment suivi sa carrière, mais je l'ai vu dans quelques films par la suite, et c'était assez moyen, voire pas bon. Mais je lisais le résumé de Rambler, et puis je me suis dit, c'est peut-être intéressant, parce qu'on parlait, un gars qui sort de la prison après 4 ans, qui veut revoir son ancienne vie, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a plus de repères en tant que tel. Il se fait mettre à la porte de celle qui était sa blonde, mais qui était franchement toute une vache, et qui se rend compte que le mal est partout. Je dis, c'est peut-être intéressant. C'est plate. C'est vraiment plate. J'ai donné un 0 sur 10. Mais c'est plate, mais en même temps, c'est totalement décousu. Sur le site de réanimation, la petite chronique que je lui ai accordée, je fais un comparatif avec le film The Twin Peaks, qui est de David Lynch, qui est un film qui a quand même plus de 20 ans, qui est un film qui est complètement déjanté. David Lynch, c'est vraiment un cinéaste là, qui est très, très peu conventionnel et puis qui fait des choses vraiment, vraiment pas, normal, c'est le terme. Il est un peu déjanté, ce cinéaste-là. Et ça paraît énormément dans ses films parce que Twin Peaks, ça, c'est excessivement twisted, très fucked up. Eh bien, The Rambler fait passer Twisted pour un film totalement équilibré et très conséquent. Donc, à vous en faire une idée, mais si vous voulez pas perdre de temps, là, suivez mon conseil, n'écoutez pas The Rambler, c'est à chier. Le film que je recommande de revoir ou de découvrir cette semaine est un remake qui est un remake d'un film de George Romero, soit Day of the Dead, qui paraît en 2008. C'est un film de Steve Miner. C'est un excellent remake de Day of the Dead qui est beaucoup plus actif, si on veut, beaucoup plus action que l'original. Quoique je ne dénigre absolument pas l'original, c'est un film que j'adore. Mais celui-là, il est beaucoup plus, comment je pourrais dire, entertainer, dans le sens que les choses bougent rapidement, les zombies sont complètement déments, sont très rapides aussi. C'est un excellent remake. Il y a eu quelques bons remakes de films classiques qui ont été faits, dont Day of the Dead. Donc, moi, je le recommande. Je donne toujours un 8.5 sur 10. C'est disponible en DVD Blu-ray, bien entendu. Et pour les amateurs des films d'horreur et de zombies spécialement, là, c'est une valeur sûre. Musicalement, allons-y maintenant. Retournons en 1984 pour les deux tiers, les trois quarts même de ce bloc dans lesquels nous allons entendre du Megadeth. Iron Maiden, eh oui, et qui plus est, avec Bruce Dickinson, le docteur est devenu fou. Mais non, il n'est pas devenu fou, il l'est. Merciful Fate, mais tout de suite, allons-y avec un grand classique de Motorhead, Killed by Death. Go!

Megadeth, Peace Sells, tiré de l'album Peace Sells But Who's Buying, qui est paru en 1986 sur Capitol. Juste auparavant, Iron Maiden, et oui, le docteur qui passe Iron Maiden, et ça, c'est rare, mais encore plus avec Bruce Dickinson, SSI, que l'on retrouve sur Power Sleeve, paru en 84 sur EMI. Ben, je la trouve bonne. J'ai toujours trouvé bonne, cette pièce-là. J'ai des pièces, je le dis, je le redis sans aucune gêne. Il y a des pièces d'Iron Maiden avec Bruce Dickinson au vocal que je trouve très bonnes. Formation qui, quand même, l'année prochaine, aura 40 ans, qui a 16 albums complets, studio, bien sûr, à son actif, ce qui n'est pas rien. C'est une formation qui a connu des hauts et des bas, bien entendu, mais qui s'est, tel un phénix, ressuscité pour devenir probablement tout aussi forte qu'elle l'était auparavant. Donc, il faut quand même leur rendre... faut rendre à César ce qui est à César. Voici. Auparavant, nous avions Merciful Fate et les pièces Into the Coven qu'on retrouve sur Melissa, qui est paru en 83. Donc, je vous ai dû en erreur quelque peu. C'était pas les trois quarts qui étaient de 1984, mais bien les deux tiers, ou en fait la moitié, simplement. Et on a ouvert avec Motorhead et la pièce Killed by Death, que l'on retrouve sur No Remorse, qui est une compilation qui est parue en 84 sur Bronze Record. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est un spécial métal des années 90. Les années 90 ont été quand même assez importantes dans le mouvement death metal, que je n'aime pas du tout d'ailleurs. Donc, il risque fort de s'y en retrouver. Aussi, je vous ferai la présentation du nouvel album de Cannibal Corpse, album que j'ai fort hâte d'entendre, hâte d'entendre, et qui porte le nom de Skeletal Domin. Donc, Cannibal Corpse, d'ailleurs, qui sont toujours sous l'étiquette Metal Blade. Donc, semble être une valeur sûre, bien entendu, pour ce label. Je n'aurai malheureusement pas le temps de tout vous passer ce que j'avais prévu pour ce dernier bloc, mais on va essayer d'aller chercher des pièces assez importantes, parce que tout de suite, on va débuter avec Celtic Frost. Très bonne pièce tirée de Tomb Egalitarian, Necromantical Screams. Go! We'll be right back. 20h55, on a à peine le temps de clore cette édition. À l'instant, vous venez d'entendre Passer, c'est la pièce Twisted Minds que l'on retrouve sur Seven Churches, paru en 88 sur Combat, le meilleur et un des seuls qu'ils ont fait, ou à peu près, ils en ont deux. Excellent. Et Celtic Frost et la grandiose Necromantical Screams que l'on retrouve sur The Megatherian, qui paru en 85 et qui, Tom Fisher, Gabriel Warrior ou Tom Gabriel Fisher Warrior, comme vous le voulez, avait misé énormément sur l'ambiance qui se dégageait de cet album-là. Il l'a très, très bien fait. Il avait été très innovateur en incorporant le corps français, en incorporant une voix féminine pour certaines pièces. Ça avait donné une ambiance qui, encore aujourd'hui, je trouve fort appréciable. La semaine prochaine, je serai là pour l'émission spéciale Metal 1990, des années 90, et la présentation de dernier album de Cannibal Corpse. Et juste le temps de se laisser sur une dernière pièce de Morbid Angel, tirée de l'album Heart of Madness, qui paraît en 89. La pièce d'ouverture Motor Rights. Je serai là la semaine prochaine. En attendant, comme le disait Gustave avant qu'il se sauve, nu fesse dans le corridor. Allez tous vous faire foutre. Ha ha ha ha, see you!